parlant du voyage du samsara, ceux qui ont un voyage agréable et ceux qui ont un voyage malheureux pendant le cours du voyage du samsara. Quand nous voyageons dans des conditions difficiles, quand le voyage est difficile, alors quand les conditions ne sont pas suffisantes, satisfaisantes, le voyage est encore plus difficile. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, quand on n'a pas assez d'argent pour la nourriture, pour bien matériel pour nous soutenir, ce voyage-là est encore plus difficile à effectuer. Non seulement nous sommes fatigués, mais la destination est plus longue à obtenir et nous souffrons aussi plus. Tout ce que vous prenez pour le voyage, d'une certaine façon, vous l'avez pris avant, dans le cours de votre voyage dans le samsara. Lorsque nous pensons à notre vie, le voyage dans le samsara est très long. C'est pour ça que c'est important de s'assurer d'avoir assez pour faire le voyage. Dans le but de le faire paisiblement, nous devons avoir un certain type d'argent. Maintenant, vous allez le long du samsara. Quel genre d'argent avez-vous besoin, en fait? Vous avez besoin de quelque chose pour vous soutenir tout le long? Et est-ce que vous comprenez ce dont on a besoin lorsque Sayado parle d'argent dans le voyage du samsara? Donc c'est bien du dhamma et des actions positives, des good deeds et des kusala, des actes méritoires que nous faisons. C'est ça l'argent dont Sayado parle pour voyager dans le samsara. Nous avons besoin de kusala, dhamma, c'est les actions méritoires, de la moralité et surtout de la méditation. Dana, sila, bhavana. Lorsque les gens font des dana, lorsqu'ils pratiquent la générosité, ils obtiennent en retour des biens matériels qui leur permettent de vivre confortablement. Lorsque nous prenons dana avec nous, la générosité, nous avons assez de biens matériels. Lorsque nous renaissons dans une existence confortable. Si nous ne respectons pas sila ou la moralité, nous pouvons renaître dans des plans misérables. Le voyage à travers le samsara est valable et pour les êtres sur deux jambes ou les animaux sur quatre ou sur deux jambes. En tant qu'humains, nous pouvons déjà voyager de façon confortable. Même si nous ne le savons pas encore, ou même si nous ne le savons pas, nous avons pu voyager dans le samsara sur quatre jambes dans le passé. Nous avons pu être des animaux dans le passé. Donc, dans toutes les existences, il y a eu toutes sortes de vies où nous avons pu être soit des êtres avec deux jambes ou quatre jambes, ou même sans jambes. La différence entre avoir un voyage agréable, favorable ou misérable, c'est en pratiquant sila, la moralité. Et en renaissant en tant qu'humain avec deux jambes, nous pouvons développer notre esprit par la pratique de la méditation, par la pratique de bhavana. En renaissant en tant qu'humain, nous sommes sur deux jambes, mais cela ne veut pas dire que nous sachions que la méditation est bonne, que c'est bon de pratiquer la méditation. Et si l'humain naît en tant qu'humain mais ne sait pas cela, il ne sait pas obtenir la valeur de naître en tant qu'être humain. Même si les gens sont pareils, ils ne pratiquent pas tous. Et là, nous savons que c'est bien de pratiquer la méditation vipassana. Nous savons bien maintenant que pratiquer vipassana est bon pour nous. Le voyage, en se faisant avec la méditation, nous pouvons atteindre la destination et arriver à la fin de la souffrance. Jusqu'à là, nous avons marché trop longtemps. Nous avons besoin d'arriver à la fin du voyage. Et la fin du voyage se fait quand nous développons le voyage de vipassana. et en atteignant les connaissances étape par étape, en observant les soulèvements et l'abaissement, jusqu'à la réalisation de Nibbana et de la fin du voyage. Les gens qui ont atteint la fin du voyage peuvent se détendre jusqu'à la fin de leur vie. À côté des personnes qui ont réalisé le chemin, qui ont réalisé le voyage, les autres personnes continuent d'avancer, continuent d'être dans ce voyage du samsara. Il y a trois types de voyageurs qui ont réalisé la cessation de la souffrance jusqu'à un certain degré. Le troisième niveau, celui qui ne revient pas. Ceux qui ont totalement réalisé la cessation de la souffrance. Le deuxième niveau, c'est le niveau de celui qui revient une fois. La situation est bonne. Le premier niveau qui a éliminé un nombre suffisant de souffrances pour ne pas renaître dans des plans d'existence inférieurs. Il a éliminé un certain nombre de souffrances à ce premier niveau de réalisation. Parmi les quatre, le premier niveau, donc celui qui a atteint le premier niveau de réalisation, le niveau le plus bas, n'aura pas un voyage difficile dans le samsara. Il n'y aura pas d'occasion pour lui de renaître dans des plans inférieurs. Ce type de personne ne renaîtra pas en tant qu'animal ou dans des plans inférieurs d'existence ou de souffrance. Un voyage commence à devenir sécurisé lorsque nous avons atteint le premier niveau de réalisation. Nous pouvons avoir besoin de nous reposer pour la suite du voyage, parce qu'il y a encore du chemin. Les yogis sont en train de pratiquer. Ils ont pratiqué en observant les soulèvements et abaissements de l'abdomen pour établir la concentration, pour établir samadhi. Lorsque samadhi est établi, alors il pourrait devenir une personne non ordinaire en atteignant le premier niveau de réalisation. Et dans ce cas-là, son existence se fera sans trop de souffrance. Lorsque vous avez atteint ce premier niveau de réalisation, si vous voulez vous reposer un peu, c'est bien aussi, parce que vous pouvez vous reposer avec confiance pour le reste du voyage dans le samsara. Et ce sera encore un long voyage. C'est pareil que pour les immigrants qui arrivent en Belgique, par exemple. Alors, ils ont laissé derrière eux un certain nombre de souffrances. Ils peuvent se reposer un peu. Mais, dans ce cas-là, ce sont des personnes, par exemple, réfugiées. Par exemple, lorsqu'ils ont un passeport ou un titre de séjour, leurs souffrances, les conditions dans lesquelles ils ont souffert avant, ont pu être un petit peu éliminés. En comparaison de leur précédente situation, c'est mieux en arrivant ici, mais ils ont encore besoin de travailler pour pouvoir soutenir leur existence ici. Lorsque les yogis quittent un état de gens ordinaires et qu'ils atteignent le premier stade de réalisation, ils vivent de façon confortable. Ils vivent un état plaisant et confortable. Ils vivent dans un état sûr et en sécurité. Il n'y a pas d'opportunité pour qu'ils renaissent dans des conditions d'existence mauvaises ou misérables. Est-ce que vous ne voulez pas éviter ces existences misérables avec toutes ces souffrances? Qu'est-ce que nous devons faire pour avoir une bonne existence? Sayado avait parlé du chemin pour aller à Bruxelles. Il dit continuez d'être sur cette route pour aller à Bruxelles. Ne changez pas de route. Vous pouvez penser que être dans votre maison, c'est un bon endroit. Est-ce que c'est un bon endroit de vous retrouver chez vous? Ou est-ce qu'il y a des gens avec qui vous vous disputez? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous êtes en colère chez vous? Maintenant, vous êtes sur le chemin et vous pouvez être, dans une certaine mesure, content d'être sur ce chemin. Vous devez continuer d'être sur ce chemin, que vous soyez à la maison ou ici. Continuez de pratiquer. Sayado souhaite que vous puissiez avoir assez d'énergie pour pratiquer et pour atteindre la destination et atteindre Nibbana grâce à vos efforts et à votre pratique.